histoire qui se répète depuis 30 ans. Une princesse, un héros et un démon géant. Le héros n'est plus en vert et il ne parle toujours pas. Dans la lignée des héros d'Hyrule, il est l'incroyable numéro 43. Legend of Zelda, Breath of Wild, un monde immense et sauvage. Y'a pas Epona sauf dans les amiibos, et ça me fout un peu la rage. Visiblement y'a 4 donjons qui sont petits mais pilotables. Pour moi, ce Zelda, Zelda, Breath of the Wild. Ouais, mais il paraît que le jeu peut pas se finir à 100%. Il y a des quêtes secondaires partout, des oiseaux, des auras, des gorons, il y a la musique de d'autres Zelda, il y a des bonhommes qui parlent, puis tu peux changer de linge. C'est vraiment le meilleur des Zelda, tu penses pas? C'est vrai! Il est temps une fois de plus de sauver la beach. Dans le dernier jeu Wii U et le premier de la Switch, je prendrai la Master Sword. Ganon, je lui ferai la peau. Je vais même commencer par sceller les alphos.